The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. To sip. Siroter. Leaning. Accoudé. Bar. Le comptoir. Genie. Le génie. Lonely. Esselé. Wish. Le vœu. Day. Le jour. To fill itself. Se remplir. As soon as. Dès que. So on. Ainsi de suite. To get impatient. S'impatienter. Now, a bit faster. Wish. Le vœu. Day. Le jour. Leaning. Accoudé. To sip. Siroter. To fill itself. Se remplir. To get impatient. S'impatienter. Day. Le jour. As soon as. Dès que. So on. Ainsi de suite. Leaning. Accoudé. So on. Ainsi de suite. Genie. Le génie. To get impatient. S'impatienter. To sip. Siroter. Leaning. Accoudé. So on. Ainsi de suite. To fill itself. Se remplir. Wish. Le vœu. Bar. Le comptoir. Genie. Le génie. To get impatient. S'impatienter. Day. Le jour. Genie. Le génie. Now, use the words in context. Siroter. She was on the terrace of a cafe, sipping a mint cordial. Elle était à la terrasse d'un café, en train de siroter une menthe à l'eau. Le comptoir. If you want to buy tickets for the concert, you have to go to the bar. Si vous voulez acheter des tickets pour le concert, il faut aller au comptoir. S'impatienter. Are you going to be ready soon? I'm starting to get impatient. Tu es bientôt prête? Je commence à m'impatienter. Ainsi de suite. You have to start with level A. Then you reach the level B, after that level C, and so on. Il faut commencer par le niveau A, ensuite tu atteins le niveau B, puis le niveau C, et ainsi de suite. Le comptoir. If you want to buy tickets for the concert, you have to go to the bar. Si vous voulez acheter des tickets pour le concert, il faut aller au comptoir. S'impatienter. Are you going to be ready soon? I'm starting to get impatient. Tu es bientôt prête? Je commence à m'impatienter.